22-13, activation orale, communication téléphonique, appelez, rappelez. Répondez selon l'exemple. Vous entendez. 1. Allô, je peux parler à Mireille? Et vous dites? Ah, je regrette, elle n'est pas là. Rappelle-la dans une heure. 2. Allô, je peux parler à Robert? Ah, je regrette, il n'est pas là. Rappelle-le dans une heure. 3. Allô, je peux parler à ta sœur? Ah, je regrette, elle n'est pas là. Rappelle-la dans une heure. 4. Allô, je peux parler à tes parents? Ah, je regrette, ils ne sont pas là. Rappelle-les dans une heure. 5. Allô, je peux parler à ton père? Ah, je regrette, il n'est pas là. Rappelle-le dans une heure.